Bonsoir et bienvenue à l'écoute du journal de cette soirée dont voici les principaux titres. Les discussions dans le fond pour une sortie de crise au Burundi sont entrées ce vendredi dans leur deuxième jour et devraient se clôturer dimanche par un communiqué, le grand absent étant toujours le gouvernement du Burundi. Le processus de libération des prisonniers en vertu de la grâce présidentielle décrétée fin 2016 va bon train. La justice collabore avec le ministère de l'Intérieur dans cette affaire pour la protection des personnes libérées. Dans une conférence de presse ce vendredi, la présidente de la commission chargée du suivi des dossiers pénitentiaires et judiciaires des détenus a par ailleurs déclaré que les personnes dernièrement extradées de la RDC sont détenues dans des différentes prisons du pays sans plus de précision. Le réseau des voleurs ayant dévalisé la COPEC Gitega il y a 2 semaines est sur le point d'être démantelé après un suspect arrêté mercredi à Charama en mairie de Bujumbura. Un autre a été appréhendé hier à Gatumba dans la province de Bujumbura. Dans le reportage du jour, nous irons à Luigi. Notre reporter a constaté que la pluie ne tombe pas suffisamment et donc la saison culturelle B s'annonce aussi mauvaise que la précédente qui a occasionné une flambée des prix de certaines denrées alimentaires. Voilà pour le sommaire de ce journal présenté par Alain Désiré Boukeneza. Albert Ndouaille assure la mise en onde. Isanganiro, la radio de l'avenir. Débutons son journal par la page santé. 419 cas de lépreux ont été dépistés et dans la plupart de ces cas, 83% sont contagieux. Cela a été dit par le ministre de la Santé ce vendredi lors de la célébration de la Journée mondiale de la lèpre. Josiane Nijimbere interpelle tout un chacun que si on voit des taches de couleur sur son corps, de se dépêcher à l'hôpital parce que le traitement est gratuit. Suivez Josiane Nijimbere, traduit par Christella Nizigama. La lèpre est une maladie contagieuse. Les premiers symptômes, ce sont des taches de couleur sur le corps, semblables aux champignons. Celui qui voit ces taches sur son corps peut se rendre déjà à l'hôpital le plus tôt possible sans qu'il soit affaibli par la maladie. Au Burundi, on ne peut pas dire que cette maladie a été déracinée. Elle continue à menacer les familles. Les provinces les plus touchées, la province de Rutana, Bururi, Rumonge, Chibito, Toke, Bubanza et Makamba. Ce qui est touchant, nous traitons des cas déjà contagieux. Certains sont même sur le point d'être imputés. Parmi ces cas de lépreux, il y a aussi les enfants. Le gouvernement, à travers le Programme national de lutte contre la tuberculose et la lèpre, a déjà commencé la prise en charge gratuite des lépreux. L'année 2016 a été turbulente pour les réfugiés et les migrants. Le coordinateur résident à ID Système des Nations Unies l'a dit ce vendredi lors de la célébration de la Journée internationale des migrants. Il promet que les Nations Unies continueront à appuyer le Burundi dans la mise en œuvre de la politique nationale des migrants. Suivez-le. Pour reprendre les propos du secrétaire général de l'ONU, à l'occasion de la Journée internationale des migrants, 2016 a été une année turbulente pour les réfugiés et les migrants. Nous avons été témoins de la perte inacceptable de milliers de vies de personnes en transit en Méditerranée et ailleurs. Nous avons aussi assisté à l'émergence de mouvements populistes qui cherchent à aliéner et expulser les migrants et les réfugiés et de les blâmer pour divers maux de la société. Nous avons également assisté à une réponse internationale prometteuse qui a culminé avec la déclaration de New York adoptée en septembre dernier lors du sommet des Nations Unies pour les réfugiés et les migrants. C'était la première fois que l'Assemblée générale avait appelé à un sommet au niveau des chefs d'État et de gouvernement sur les grands mouvements de réfugiés et de migrants et constitué une occasion historique d'élaborer un plan pour une meilleure réponse internationale. La déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants exprime la volonté politique des dirigeants mondiaux de sauver des vies, de protéger les droits et de partager les responsabilités à l'échelle mondiale. Le Burundi est résolument engagé dans ce processus avec l'adoption en 2015 de la politique nationale de migration qui gouverne toutes les interventions du gouvernement sur les questions migratoires. Tout comme l'OIM, l'équipe PAY des Nations Unies continuera avec la contribution de tous nos partenaires au développement du Burundi à appuyer le gouvernement dans sa quête inlassable de solutions afin de relever les défis que pose la migration au niveau national et régional. Continuons ce journal par la page politique. La quatrième session du dialogue qui devrait commencer jeudi a finalement commencé ce vendredi. Dans son allocution d'ouverture, le facilitateur dans le conflit burundais a rappelé les 8 points qui sont sur l'agenda, lesquels points ont été regroupés en 4 ensembles qui sont l'assainissement du climat politique, la recherche des solutions sur les questions économiques, surtout dans les secteurs où les sanctions ont été prises par la communauté internationale, la création des conditions favorables au retour des réfugiés et la création des conditions favorables des exilés politiques. Les détails avec notre envoyé spécial à Arusha, Joseph Sabiyabandi. Dans son allocution d'ouverture, le facilitateur Benjamin Mukapa a plaidé pour le maintien de l'esprit d'Arusha et s'est montré opposé à l'amendement de la Constitution et à l'organisation d'un référendum irrelatif. L'ancien président tanzanien a soumis aux participants dans le dialogue les questions d'urgence qui doivent rapidement trouver réponse, en l'occurrence l'assainissement du climat politique, la recherche des solutions sur les questions économiques et surtout dans le secteur où des sanctions ont été prises par la communauté internationale, la création des conditions favorables au retour des réfugiés, mais également la création des conditions favorables au retour des exilés politiques. Sur ce dernier point, le parti au pouvoir, via son secrétaire général, exige les Burundais en exil de regagner le pays sans conditions. C'est d'abord d'appeler tous les Burundais à rentrer dans leur propre pays. C'est notre patrie. C'est là où se trouve notre famille. Il n'y a pas de condition pour rentrer chez toi parce que personne ne viendra construire notre pays si ce n'est pas nous, Burundais. Vous êtes en bonne entente avec le Sénarède? Sénarède, c'est quoi? Je pense que c'est une organisation qui est venue couvrir des putschistes. Ce sont des putschistes. Alors, est-ce qu'ils veulent que moi je vienne pour les aider à accomplir le putsch? Je pense que moi je suis démocrate. Celui qui veut le pouvoir va l'avoir par les urnes et non par la violence. La question en rapport avec les conditions de retour des réfugiés et ceux qui doivent s'asseoir autour d'une même table de dialogue reste un point d'achoppement entre l'opposition radicale et le parti au pouvoir. Anice Nyonkuru, secrétaire général du Sénared, appelle le pouvoir de Bujumbura à se ressaisir et à accepter de discuter avec l'opposition sur toutes les questions qui dérangent. Je dis tout simplement qu'ils doivent accepter de parler avec l'opposition, de parler avec tous ceux qui veulent qu'il y ait la paix au Burundi. Le Burundi nous appartient à nous tous. Le Burundi n'est pas une propriété d'un parti politique ou une propriété d'une classe quelque part autour d'Nkurunziza. C'est pour nous tous. Le Burundi nous appartient à nous tous. Et nous devons chercher une solution qui arrange tous les Burundais. Celui qui veut rester à l'étranger, il peut rester à l'étranger. Mais s'il veut rentrer chez lui, il doit rentrer paisiblement. Et maintenant, nous sommes bloqués à l'étranger. Et même nous sommes ici. Des gens qui n'ont aucun dossier, qui n'ont fait aucun mal au Burundi, ils envoient des papiers pour dire à l'autorité tanzanienne d'arrêter certains d'entre nous. C'est grave. Précisons que le facilitateur s'est entretenu avec la délégation du Sénared dans un autre lieu, autre que celui qui abrite le 4e round du dialogue inter-burundais. Précisons aussi que le pouvoir de Bujumbura aurait demandé aux autorités tanzaniennes d'arrêter les membres de la délégation du Sénared qui sont poursuivis par la justice. Mais selon le secrétaire général du Sénared, le facilitateur Benjamin Mukapa les a rassurés qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. La radio de l'avenir. À la page droit de l'homme de ce journal, plus de 2200 prisonniers ont déjà été libérés dans le cadre de la mise en application du décret présidentiel portant mesure de grâce le 3 janvier. De quoi satisfaire Léa Pascazine Zigamasabo, présidente de la commission permanente chargée du suivi des dossiers pénitentiaires et judiciaires des détenus, qui ajoute que son ministère est en collaboration avec celui de l'intérieur pour bien assurer la protection des bénéficiaires de la grâce. Elle a dit ce vendredi dans une conférence de presse. On l'écoute. À l'heure actuelle, nous en sommes à 2264 bénéficiaires qui ont été déjà relaxés. Dans le cadre de la protection des bénéficiaires de la mesure de grâce, une liste de ceux qui ont été relaxés a été envoyée au ministère de l'Intérieur pour assurer l'encadrement et le suivi de ceux qui ont été relaxés. Le ministère de l'Intérieur va se charger de dispatcher les différentes listes dans les provinces respectives afin que l'on puisse suivre jour à jour la situation sécuritaire de ces personnes-là. Je voudrais également vous annoncer que dans le cadre de l'humanisation des détenus, le ministre de la Justice a nommé une commission permanente chargée du suivi des dossiers pénitentiaires et judiciaires des détenus. Et cette commission a dans un premier temps analysé les dossiers des personnes condamnées, mais actuellement, la commission va analyser la situation carcérale et judiciaire des détenus préventifs, c'est-à-dire ceux dont les procédures n'ont pas encore eu d'issue, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore condamnés. Léa Paskazi s'exprime aussi sur les 124 Burundais récemment extradés des prisons du Sud-Kivu en République démocratique du Congo. Ils sont dans les différentes prisons du Burundi. Et à propos des prisonniers politiques dont certains réclament la libération, ils peuvent être libérés et il y en a qui bénéficient de la grâce présidentielle, selon encore Léa Paskazi Nzigamasabo. Le président de la République a les pleins pouvoirs d'accorder la grâce présidentielle aux prisonniers politiques. Mais lorsque le président de la République accorde la grâce présidentielle aux prisonniers politiques, il détermine clairement le groupe. On ne peut pas dire en vrac que ce sont tous les prisonniers politiques qui peuvent bénéficier de la grâce présidentielle, mais il faut que le président de la République lui-même clarifie le groupe de ceux qui peuvent bénéficier de la grâce présidentielle. Actuellement, il y en a qui en ont bénéficié. Ceux qui étaient poursuivis dans le dossier communément appelé MSD, ils ont été libérés. Actuellement, nous en sommes à 62 prisonniers qui ont été déjà relaxés. Concernant les prisonniers qui étaient détenus dans le Sud Kivu et qui ont été rapatriés au pays, je ne saurais pas vous répondre où ces prisonniers sont, mais seulement je vais vous dire que ces prisonniers sont dans les différentes prisons du pays. Ils ont été dispatchés dans les différentes prisons du pays. Une fouille perquisition a été opérée par la police dans la prison centrale de Mimba le matin de ce vendredi. Le porte-parole adjoint de la police indique que 41 téléphones mobiles et leurs chargeurs ont été saisis. Moïse Nkurunziza ajoute qu'ont été saisis également dans ce lieu de détention 30 bouteilles pleines de bière Amstel et 10 autres de Primus. À ces effets s'ajoute une cartouche de fusil de type Kalachnikov en laissé passer expiré du Rwanda, 18 cartes d'identité nationale burundaise, plus de 20 kilos de sucre et un paquet de levure qui servirait à la fabrication des boissons prohibées, précise toujours Moïse Nkurunziza, porte-parole adjoint de la police nationale. Un homme a été arrêté ce jeudi soir par la police dans la zone Gatumba de la province Bujumbura. Au commissariat de la police à Gitega, on fait savoir qu'il s'agit des membres du groupe de bandits ayant récemment dévalisé les caisses de la COPEC Gitega où une somme de plus de 60 millions a été volée. Ces mêmes informations indiquent qu'ils attendent qu'ils soient amenés au commissariat de police à Gitega pour savoir s'il a été interpellé avec de l'argent et combien il avait. Pour rappel, un autre homme appartenant à son même réseau de bandits a été arrêté par la police au quartier Charama de la mairie de Bujumbura avec une somme de 3 millions de francs burundais. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page environnement de ce journal. La pluviométrie va en fait se renormaliser pendant cette saison culturelle B sur une grande échelle nationale d'après l'Institut géographique du Burundi. Le directeur de la météorologie au sein de l'IGEBU craint toutefois le retour de l'El Nino au mois de novembre et suggère aux agriculteurs et directions provinciales de l'agriculture et de l'élevage de privilégier les cultures adaptées à cette possibilité d'excès de pluie. Suivez Aloïse Rurantije, directeur de la météorologie à l'IGEBU, au micro de Clarine Nkurunziza. La pluviométrie saisonnière mars-avril-mai correspondant à la saison culturelle B qui sera normal avec une tendance excédentaire sur la grande partie du pays. Toutefois, la région naturelle de Bouguessera, Brouero, Imbo, Bragane et une partie d'Okumoso pourra connaître des précipitations tout à fait normales avec une tendance légèrement au-dessus de la normale climatologique. Les perspectives du climat au cours de cette saison ne sont pertinentes que pour des échelles de temps saisonnières et des zones relativement grandes. Des variations temporaires et spatiales pourraient se produire. Par exemple, des périodes de fortes pluies qui pourront entraîner des inondations ou glissements de terrain dans les régions susceptibles d'avoir des précipitations supérieures à la normale climatologique. En outre, des périodes de faible pluviosité pourront se produire dans les régions d'Imbo, Bouragane, Bouguessera, Boeru, ainsi qu'une partie de la région d'Okumoso, susceptible de connaître une pluviométrie au-dessous de la normale climatologique. Les grandes quantités de pluie seront probablement enregistrées au cours du mois d'avril. La distribution dans le temps et dans l'espace au cours de cette saison sera probablement généralement bonne. L'étude montre que la fin de la saison pluvieuse, pendant la saison littorale B, se situe au cours de la première quinzaine du mois de mai. Dans certaines parties du pays, les pluies devraient se poursuivre jusqu'à la deuxième quinzaine du mois de mai 2017 et certains secteurs pourraient tirer profit au maximum des bonnes pluies attendues en fonction de leur niveau de préparation. Une pénurie d'engrais chimiques fait parler d'elle dans la province car aussi. Les agriculteurs restent avec leurs tickets de paiement et déplorent la flotte de ce fertilisant qui leur était destiné. C'est ainsi que les responsables de l'administration et de la police dans cette province disent avoir pris ce jeudi une stratégie pour faire face à cette spéculation de certains distributeurs de ces engrais. La pénurie des fertilisants s'est également en province Ngozi où les agriculteurs attendent en vain devant les dépôts des engrais. La réponse qu'ils reçoivent est que les stocks sont épuisés mais que des camions contenant d'autres fertilisants sont en cours de route. Certains habitants de la zone Mivo en commune Ngozi déplorent le fait que les sacs de 25 kg distribués ont été vidés jusqu'à 20 kg. Ces agriculteurs demandent plus d'efforts et afin d'éviter le retard de cette saison culturelle. La production de l'eau potable va être multipliée entre 3 et 6 fois dans les villes de la province Ngozi, Kayanza et Muyinga suite à un projet d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la communauté est-africaine en collaboration avec la régie des eaux qui est en train d'être réalisée dans ces trois provinces. Les responsables de ce projet font savoir que ces travaux vont résoudre ce problème de pénurie d'eau dans ces trois villes jusqu'en 2035. Reportage avec Didier Nyonzima. Ceci est le bruit d'un camion qui est en train d'aider à mettre en place la canalisation d'eau potable captée dans le marais d'Onyakijima dans la commune d'Ongozi vers la ville d'Ongozi, l'une de trois villes où est en train d'être réalisé le projet d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement. Innocent Ngurunziza, le coordinateur de ce projet, fait savoir que les villes d'Ongozi, Kayanza et Muyinga ont été choisies par critères de besoin. Ces trois villes ont été bel et bien identifiées dans le critère de besoin. Il y avait manque d'eau. Proportionnellement, ici à Kayanza, on va tripler la production actuelle. Pour Ngozi, on va multiplier la production par 6. Pour Muyinga, on va multiplier la production par 5. Et cela, c'est sur le critère du taux de natalité et de la population actuelle. Et les besoins de la population seront couverts jusqu'en l'an 2035 pour les trois villes. Libérant Fumukeko, le secrétaire exécutif de la communauté est-africaine, qui a effectué une descente sur terrain pour voir l'état d'avancement du projet, indique que la réussite de ce projet, dont la fin est prévue au terme de cette année, permettrait de négocier l'extension de ce projet dans d'autres provinces. Nous avons tenu à venir vérifier sur le terrain l'état d'avancement des travaux. Ce projet est un projet qui est très important, qui pourrait être considéré comme un projet pilote, parce que si on réussit cette étape-là, ça nous permettrait de négocier l'étape suivante. Et il me semble que les travaux avancent de manière satisfaisante. Et donc nous espérons pouvoir étendre ce projet à d'autres villes dans les temps à venir. Daïsé Anissé, le gouverneur de la province de Kayanza, l'une des provinces bénéficiaires, dit que ce projet permettra de mettre fin à la pénurie d'eau dans la ville de Kayanza. Vous savez sans doute que notre province, surtout la ville de Kayanza, manque beaucoup d'eau. Il y a vraiment une insuffisance d'eau et c'est un projet qui est donc le bienvenu. Ce projet d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement qui a débuté en 2012 coûtera un montant de plus de 20 millions de dollars. À la source, reportage. Dans le reportage de ce vendredi, on vous parle de la flambée des prix de certaines denrées alimentaires en province de l'Oyigi. Cela fait suite soit à la sécheresse ou aux pluies torrentielles qui ont endommagé certaines cultures pour la saison culturale A. Pour certains cultivateurs de la commune Gisuru, la saison culturale B s'annonce aussi mal puisque la pluie ne tombe pas suffisamment. Le directeur provincial de l'agriculture en province de l'Oyigi conseille aux cultivateurs de planter les cultures qui résiste au changement climatique. Aubin Nyonguru. Certains des cultivateurs de la colline Kabuyenge en commune Gisuru ne savent pas sur quel pied danser. Ils disent que la production n'a pas été bonne comme à l'accoutumée. Je pouvais récolter 2 à 5 sacs de riz. Aujourd'hui, je n'ai pu récolter que 10 kilos de haricots. Même en Tanzanie, certaines régions frontalières ont été touchées par le soleil accablant. Par exemple, à Kisukuma, les vaches sont mortes. Le soleil s'est aussi manifesté à Kibondo, Gatanga et Gwanumbu. Cela a eu comme effet la montée des prix des denrées alimentaires. Un gobelet d'un demi-kilo de haricots coûtait 200 francs. Il s'achète aujourd'hui à 600 francs. Un gobelet de riz est passé de 600 francs à 1000 francs. Autrefois productive, cette localité avait ces derniers temps accueilli les gens en provenance des provinces où la famine s'est déjà déclarée, comme à Muyinga ou à Kirundo. Mais aujourd'hui, la vie y est aussi chère. Le chef de la colline Kabuyenge, dans la zone Ndemeka, Liber Birarama, soulève un autre défi qui concerne les gens en provenance des autres régions qui viennent s'approvisionner dans cette zone. La colline de Kabuyenge était productive. Même les commerçants des autres provinces comme Ngozi, Gitega venaient s'approvisionner ici à manioc et haricots. Cette colline de Kabuyenge connaît aussi une démographie galopante. Les gens en provenance des autres provinces viennent s'installer ici, de se croire. Nous sommes près des camps des réfugiés burundais qui sont en Tanzanie. Ces réfugiés envoient les gens ici pour venir leur chercher des vivres. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Ruigi recommande aux cultivateurs d'adopter des semences maraîchères et autres cultures qui résistent au changement climatique. La population de Ruigi est déjà sensibilisée pour tout d'abord s'adapter au changement climatique en utilisant les cultures de courte durée, aussi les cultures qui puissent résister aux diverses intempéries. Et nous espérons que des recommandations comme quoi appuyer la population, avoir des semences marchées qu'on puisse cultiver, qui puissent les aider à ne pas connaître une famine exagérée. Et aussi d'avoir des racines de patates douces qui résistent à la sécheresse et aussi aux pluies torrentielles. Et aussi nous avons déjà fait une synthèse de comment l'estimation de la récolte de la saison 2017 a été. Et cela, ça va nous inspirer alors à prendre des décisions. Ce directeur indique aussi qu'il se tiendra ce 22 février une réunion de tous les partenaires dans le secteur agricole pour étudier ensemble les mesures à arrêter. Le gouverneur de cette province, Abdallah Hassan, a récemment pris une mesure interdisant le transport de certains produits vivriers vers d'autres provinces sans son autorisation. Merci Aubin Nyonguru. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaïo pour la parfaite collaboration technique. Le journal vous a été présenté par Alain Désiré Boukeneza. Bonne soirée à tous. Au revoir.